Chapitre 13e, la fête de Yulathorn, acte 2. Ce qui les a enivrés n'a fait que me donner du cœur. M. Slope s'appliquait cette citation à lui-même pour s'enhardir, tandis qu'il sortait de la salle à manger à la poursuite d'Eleanor. Ce n'est pas qu'en réalité il eût vu aucun des convives pris de vin, mais on avait bien bu, et M. Slope n'avait pas hésité à prendre sa part des excellents liquides de Miss Thorne pour s'encourager dans l'entreprise qu'il voulait mener à fin. Il n'est pas le premier qui, en pareille circonstance, ait cru utile d'appeler Bacchus à son secours. Eleanor était déjà sur le gazon quand elle s'aperçut qu'elle était suivie. À ce moment, presque tous les invités étaient encore à table. On voyait bien, ça et là, un ou deux couples qui préféraient une conversation intéressante au bruit des verres et au charme de l'éloquence qui coulait de la bouche de l'honorable George et de celle de l'évêque de Barchester. Mais le jardin était aussi solitaire que pouvait le désirer M. Slope. Se voyant poursuivi, Eleanor, comme un cerf aux abois qui fait la tête aux chiens, se tourna contre M. Slope. « Que je ne vous fasse pas quitter la salle à manger, » dit-elle du ton le plus raide qu'elle put prendre. « Je suis sortie pour chercher un ami. Je vous prie, M. Slope, de me laisser. » Mais M. Slope ne voulait céder à aucune prière. Il avait observé tout ce jour que Mrs. Bold ne lui avait montré aucune cordialité, et cette remarque l'avait jusqu'à un certain point déconcerté. Mais il n'en concluait pas que ses aspirations fussent vaines. Il voyait Eleanor irritée contre lui. Mais n'était-ce pas parce qu'il avait trop longtemps joué avec les sentiments de la veuve impatiente, ou bien encore parce que le nom de Miss Bold avait été uni au sien dans les propos qui se colportaient dans les salons de Barchester, sans qu'il eût donné encore à la jeune femme compromise le droit de déclarer hautement qu'en effet, leurs deux noms n'en seraient plus qu'un seul désormais. Pauvre femme. Oui, la conscience de M. Slope lui faisait quelques reproches relativement à elle. Peut-être lui avait-il causé un préjudice moral par ses lenteurs. D'ailleurs, il avait bu trop de verres de champagne de M. Thorne pour éprouver de la timidité. Il citait justement le mot de Macbeth. Il n'était pas ivre. Il était déterminé à tout. C'était dommage qu'il ne rencontrât pas Mrs. Proudie, étant ainsi disposé. « Il faut me permettre de vous accompagner, » dit-il. « Je ne puis supporter la pensée de vous voir aller seul. »« Il faut pourtant que vous vous y résigniez, M. Slope, » répondit-elle avec plus de raideur encore. « Je désire absolument être seul. » Le moment était venu pour lui de laisser échapper son grand secret. Il sentait que ce devait être maintenant ou jamais, et il voulait que ce fût maintenant. Ce n'était pas son coup d'essai dans l'entreprise de conquérir le cœur d'une belle dame. Une fois déjà, il s'était mis à genoux, parlant, avec les yeux, un langage que la voix n'eût pu rendre, distillant le miel de ses protestations. Il était passé maître en ces sortes de choses. Il n'avait qu'à adapter au goût peut-être différent de Mrs. Bold les rhapsodies dont il avait autrefois charmé Olivia Proudie. « Ne me demandez pas de vous laisser, Mrs. Bold, » dit-il avec un regard passionné et dévot tout à la fois. « Ne me demandez pas de vous laisser avant que je vous ai dit les choses dont mon cœur est rempli et que je suis venu ici expressément pour vous dire. » Eleanor comprit alors la situation. Elle vit quelle épreuve elle allait avoir à subir, et elle fut bien malheureuse. Naturellement, elle pouvait refuser M. Slope. Il n'en serait plus question. Mais le fait même de la proposition de M. Slope serait un triomphe pour l'archidiacre, et dans une certaine mesure, la justification de la conduite de M. Arabin. Eleanor supportait impatiemment l'idée que c'était elle qui s'était trompée. Elle avait défendu M. Slope, elle avait soutenu son droit à elle de l'admettre au nombre de ses relations, elle avait ri de la pensée qu'on lui attribuait de faire de lui plus qu'une simple connaissance. Elle avait reçu avec irritation les avis de l'archidiacre, et maintenant, l'événement lui montrait de la façon la plus désagréable que l'archidiacre avait eu raison et que c'était elle qui s'était absolument trompée. « Je ne vois pas, M. Slope, ce que vous avez à me dire maintenant, que vous n'ayez pu me dire tout à l'heure à table. » Et elle lança sur lui un regard qui aurait dû le glacer. Mais M. Slope avait bu trop de champagne pour être glacé par quoi que ce fût, et glacer M. Slope n'eût été d'ailleurs facile en aucune circonstance. « Il y a des choses, Mrs. Bold, qu'un homme ne peut dire devant une réunion de personnes, qu'il voudrait exprimer avec toute la ferveur qu'il ressent, mais pour lesquelles le langage humain ne lui fournit aucun terme suffisant. C'est de ces choses-là que je voudrais vous dire. » Et de nouveau il fixa sur elle un long regard tendre et dévot. Éléanor avait mieux aimé se mettre en marche dans le jardin que de recevoir la déclaration de M. Slope devant la fenêtre du salon en vue de tous les invités. C'était ce qu'avait voulu M. Slope. Il lui offrit le bras. « Je vous remercie, M. Slope. Je vous suis très obligé. Mais pour le peu de temps que j'ai à marcher avec vous, je n'ai pas besoin de bras. »« Est-ce donc pour si peu de temps ? » dit-il. « Oui, pour le moins de temps possible, monsieur, je vous prie. » J'avais espéré, Mrs. Bull, j'avais espéré. N'espérez rien, je vous prie, pour ce qui me concerne. Je ne sais pas et ne veux pas savoir ce que vous voulez dire. Nos relations sont toutes mondaines et demeurent telles. Restons-en là, je vous prie. Il n'est pas nécessaire que nous en venions à une querelle. Mrs. Bull traitait M. Slope assez cavalièrement. Il le sentait bien. Elle le repoussait avant qu'il lui formulait une proposition. Elle lui faisait sentir que sa familiarité était présomptueuse et indiscrète. Elle ne cherchait même pas à adoucir son refus. Quant à lui, il était résolu à rester dévotement tendre. Il n'abandonnait pas tout espoir, mais il ne pouvait se défendre de quelque irritation. La veuve, pensait-il, le prenait d'un peu haut et prétendait trop le mener la main haute. Elle ne sentait pas, évidemment, qu'il l'honorait par ses offres. Il serait tendre tant qu'il le pourrait, mais il commença à croire que s'il ne réussissait point par la douceur, il ne perdrait rien à monter lui aussi sur ses grands chevaux. « Voici des paroles bien cruelles, dit-il, et peu chrétiennes. L'espoir n'est défendu à personne, pas même au plus grand pécheur. Qu'ai-je fait pour mériter un arrêt si sévère ?» Il s'arrêta un moment, pendant lequel la veuve continua de marcher d'un pas assuré, sans parler. « Oh, la plus belle des femmes » éclata-t-il enfin. « Vous ne pouvez prétendre que vous ignorez combien je vous adore. Oui, Éléanor, oui, je vous aime de l'affection la plus vraie qu'un homme puisse porter à une femme. Après le ciel, c'est vous que je voudrais posséder. » M. Slope manquait de mémoire, il oubliait les fonctions de doyen. « Qu'il me serait doux de marcher vers le ciel avec vous à mon côté, avec vous pour mon guide. Dites, ma douce Éléanor, suivrons-nous ensemble notre voie terrestre ?» Éléanor ne voulait suivre avec M. Slope aucune autre voie que l'allée du jardin où il marchait en ce moment. Mais comme elle n'avait pu prévenir l'expression des vœux et des aspirations de M. Slope, elle résolut de l'entendre jusqu'au bout avant de lui répondre. « Ah, Éléanor, » continua-t-il, semblant prendre plaisir à répéter ce nom qu'il avait osé prononcer une fois. « Ah, Éléanor, ne serait-il pas doux de parcourir, la main dans la main, sous la protection de Dieu, cette vallée terrestre dont sa bonté fera pour nous une vallée de bonheur, jusqu'au moment où tous deux nous demeurerons éternellement au pied de son trône ?» Puis, après un nouveau regard plus brillant encore d'amour et de tendresse, « Ah, Éléanor !»« Monsieur Slope, je m'appelle Mrs. Bold, » dit Éléanor, qui, quoique résolue à l'entendre jusqu'à la fin débiter sa litanie amoureuse, éprouvait un vif dégoût de cette familiarité impudente. « Cher ange, pourquoi cette froideur ? » dit-il, et toujours animé par le champagne, il s'efforça de passer son bras autour de la taille d'Éléanor et le fit habilement. Jusqu'à ce moment, elle avait réussi à se tenir à quelque distance de lui. Ils étaient arrivés dans une allée bordée d'arbrisseaux, et M. Slope considéra sans doute que, puisqu'ils étaient seuls, il convenait qu'il lui donna enfin une preuve extérieure de cette affection dont il lui parlait tant. Peut-être ce procédé avait-il réussi avec Olivia Proudie, avec Mrs. Bold, c'était une autre affaire. Elle se recula vivement, comme à la vue d'une vipère, et prompte comme la pensée, elle leva sa petite main et lui appliqua sur la joue un soufflet qui résonna parmi les arbres comme un coup de tonnerre en miniature. Peut-être plus d'un de mes lecteurs dira-t-il avec dégoût que mon héroïne est indigne de sympathie. C'est une brutale, dira l'un. Ce n'est pas en tout cas une femme bien élevée, dira l'autre. Je m'y attendais, dira un troisième. Elle n'a aucune idée de sa dignité de femme, de la réserve d'attitude que commande sa situation de veuve. Tantôt elle badine avec le jeune Stanhope, tantôt elle fait les yeux doux à M. Arabin, tantôt elle en vient au coup de poing avec un troisième amoureux, et il n'y a pas 2 ans encore qu'elle a perdu son mari. Non, elle n'est pas brutale. Elle n'a le goût ni du badinage, ni de la boxe. Certes, j'aurais mieux aimé qu'elle ne frappât point M. Slope au visage. Élevée à Belgravia et par un mentor moins tendre et moins faible que son père, gouvernée plus longtemps par un mari, Elle n'eût peut-être pas commis cette grande faute, mais la face de M. Slope, plus colorée que d'habitude par le vin qu'il avait bu, toute grimaçante de cette hypocrisie d'amour et de piété, semblait appeler fatalement ce genre de châtiment. Et puis, devinant l'homme, Éléanore sentait qu'elle n'avait pas d'autre moyen de s'affranchir définitivement de ses obsessions. Le coup de sa petite main fut pour son orgueil une blessure aussi cruelle qu'un soufflet qu'il reçut d'un homme. Il vit sa dignité rabaissée, sa personne outragée, son caractère sacré violé. Dans sa rage, il était prêt de lui rendre coup pour coup. Éléanore sentit aussitôt l'inconvenance qu'elle avait commise et aurait donné beaucoup pour que le soufflet n'eût pas été appliqué. Dans sa peine extrême, elle fut sur le point de demander pardon à cet homme, mais son second mouvement, celui qu'elle suivit, fut de fuir. « Jamais, jamais plus je ne vous adresserai une parole !» dit-elle d'une voix entrecoupée par l'émotion et par un reste de colère, et elle se dirigea rapidement vers la maison. En quels termes chantait le courroux de M. Slope ? Quelle muse invoquée pour décrire la rage qui gonfla l'âme dévote du chapelain de l'évêque ? Un peintre mit un voile sur le visage d'Agamemnon quand il eut à représenter la douleur du père, appelé à sacrifier aux dieux, dans le printemps de sa vie, une fille bien-aimée. Neptune, résolu à punir les vents révoltés, s'abstint de proférer de vaines menaces. Nous ne tenterons pas de dire avec quel violent mouvement de passion M. Slope jura de se venger de la femme qu'il avait déshonorée, et nous ne ferons pas l'inutile effort de dépeindre son profond désespoir. Il n'était pas disposé à sortir encore de l'endroit où les doigts d'Éléanore avaient laissé sur sa joue des traces brûlantes qu'il craignait qu'on ne vît quand il se mêlerait à la foule. Il était là, rouge de rage, sans mouvement, irrésolu, les yeux enflammés, se demandant comment il dévouerait son ennemi aux dieux infernaux avec toute la passion de son éloquence accoutumée. S'il avait pu sur le champ monter en chair et fulminer contre elle accusation et anathème, son cœur eût été grandement soulagé. Mais comment prêcher au laurier de M. Thorne au milieu d'une foire aux vanités comme celle qui se tenait en ce moment à Yolathorn? Et alors il commença à ressentir une vertueuse indignation de toutes les iniquités qui se commettaient autour de lui. Il avait reçu son juste châtiment pour avoir donné par sa présence une sanction à ses plaisirs mondains. La gaieté des invités, la joie des banquets, les éclats de rire des jeunes gens, la satisfaction montrée par tous aux tables abondantes de Mithorn, tout cela lui sembla pour un temps sans excuse. Qu'est-ce donc qu'il avait ainsi attiré sur les tentes des païens? Il s'était uni aux idolâtres autour des autels de Baal, et il en avait reçu le rude châtiment. Il pensa alors à la signora Neroni, et son âme fut pleine de soucis. Quelque chose lui disait avec vérité qu'il était coupable. Mais cette voix intérieure ne le dirigeait pas dans la bonne voie. La charité n'avait pas accès dans son cœur. Il se sentait descendre sur la pente de l'avilissement et voulait la remonter. Il voulait se dresser sur ses étriers, s'élever aux hautes positions, au pouvoir, afin d'occuper alors une chaire d'où il put prêcher au monde un sermon retentissant contre Mrs. Bold. Pendant les 10 minutes qu'il demeura ainsi immobile, sa bonne fortune voulut que personne ne le vît. Puis il frissonna de tout son corps, reprit possession de lui-même, et se dirigea lentement vers la pelouse par un autre chemin que celui qu'avait pris Éléanore. En arrivant à la tente, il trouva l'évêque en conversation avec le docteur Gwine. Sa seigneurie était sortie pour prendre l'air après le prononcé de son speech. « Quel charmant spectacle, n'est-ce pas, my lord ?» dit M. Slope. « Que celui de tant de personnes qui se livrent si pleinement à la joie !» M. Slope pensait forcer l'évêque à le présenter au docteur Gwine. Sa maxime était de ne jamais perdre une occasion de faire la connaissance d'un personnage influent. Mais l'évêque, en ce moment, n'éprouvait nullement le désir d'étendre le cercle des relations ecclésiastiques de M. Slope. Il avait ses raisons à lui pour éviter de mettre en évidence son chapelain particulier et sembla ne pas comprendre l'insinuation de celui-ci. « Tout à fait charmant, » dit-il, sans daigner se détourner ni même regarder M. Slope. « Ainsi, docteur Gwine, je crois réellement que le comité hebdomadaire exercera quant à présent une autorité assez étendue et assez générale. Pour ce qui est de moi, docteur Gwine. »« Docteur Gwine, » dit M. Slope, ôtant son chapeau, il était déterminé à ne pas se laisser annihiler par un personnage aussi insignifiant, aussi nul que l'évêque de Barchester. Le principal du collège de Saint-Lazare ôta aussi son chapeau et fit un salut courtois à M. Slope. Il n'y avait pas, dans les trois royaumes, de gentleman plus poli que le principal du collège de Saint-Lazare. « My lord, » dit M. Slope, « faites-moi, je vous prie, l'honneur de me présenter au docteur Gwynne. L'occasion m'est trop précieuse pour que je la laisse échapper. » L'évêque dut s'exécuter. « Mon chapelain, docteur Gwynne, » dit-il, « mon chapelain actuel, M. Slope. » La présentation était aussi sèche que possible, et l'emploi du mot actuel semblait indiquer que M. Slope pourrait bien ne pas jouir longtemps encore de ce titre. Mais M. Slope, tout en comprenant bien l'intention de ce mot, n'y attacha pas d'importance. Il serait probablement en situation de résigner son emploi avant que l'évêque fût en situation de le lui retirer. Le futur doyen de Barchester se souciait bien de l'évêque et de la femme de l'évêque. M. Slope, en montant dans la voiture du docteur Stanhope, n'avait-il pas reçu un billet très significatif de Tom Towers, le rédacteur du Jupiter? N'avait-il pas ce billet dans la poche? Laissant donc de côté l'évêque, il entra en conversation avec le docteur Gwynne. Mais tout à coup, cet entretien fut interrompu par l'annonce d'une nouvelle qui ne fut pas trop désagréable à M. Slope. Un domestique de l'évêque vint vers son maître avec une figure longue et grave. « Qu'y a-t-il, John ?» demanda l'évêque. « Le doyen, my lord, il est mort. » M. Slope laissa là sa conversation avec le docteur Gwynne et prit sans tarder la route de Barchester. Éléanor, nous l'avons dit, après avoir déclaré son intention de cesser toute relation avec M. Slope, avait couru précipitamment vers la maison. Mais la pensée de ce qu'elle avait fait lui était si pénible qu'elle ne put s'empêcher d'éclater en pleurs. Tel avait été son rôle dans le second acte du mélodrame de ce jour.